commence à craquer les collégiennes. Comment se fabrique un groupe à succès? Pignon paye, signon L, je lance pas de SOS, je porte pas de boue, prétends pas être doux. Ouais. Il se passe quoi que les dreadlocks check le mic? Original dreadass, c'est pas dreadass. Arrive donc dans la sopla, on vous fait tout ça, et puis c'est comme ça. Je vise les marques du showbiz, puis les analyses. Plein de producteurs s'intéressent à nous dans leurs yeux, ils voient déjà de la rima. Mais nous, ça fait à peine un an qu'on déjà. T'as une bonne tête, oui, un bon look, ouais, qui passe ça. Mais ne crois pas pour ta yaska, je vais m'afficher à jouer les chachas. Donc passe le prototype d'une société qui flippe. Flippe de mon hip, oh bébé trip. L'est-il pas, panique pas. Quand la S-U-P-A-D-R-E-A-D-A adopte une attitude hip-hop oblige. Si tu vas mettre ton tube ou bien va te faire un tube. Pour l'ineffet, respecte ces bandettes. Sans dans un profond pour qu'elles se dévergondent. Mais dis-moi ce qui s'est passé dans la tête de ces cassés. Comme ça parce qu'il a des couilles à la place des cordes vocales.